Je ferme les yeux, je vois la réalité des choses. Mon cœur est triste quand je t'écris ces quelques proses. J'ai tellement de choses à te dire, mais où commencer? Je prie sur toi et je me dis dans quel état est ta communauté. Je voulais t'avouer que je t'aime, mais pas comme il faut. J'aimerais te dire que je t'aime plus que ma propre personne, mais c'est faux. Ton amour envers moi est si fort qu'il n'est pas comparable à autre amour qu'on peut avoir dans ce bas monde. Je suis incapable de te rendre cet amour, pourtant je suis de ta famille. Pardonne-moi, des fois j'ai honte, alors j'essaie de faire des sacrifices. Quand je vois ta communauté, je pleure et je m'attriste. Je repense à tes efforts et à ta souffrance et je lâche pas prise. J'essaie de transmettre ton message, même si des fois c'est dur, j'avoue. J'appelle vers ton Seigneur et le nôtre, et certains me prennent pour un fou. Je sais, tu as reçu des insultes, et parfois on t'a frappé et coulé le sang. Quand je repense à ça, la haine monte, mais tu nous as appris à être patients, à rendre le mal par le bien et à montrer le bon comportement. T'as supporté tout ce mal durant ta vie, t'as jamais désespéré et pensé à l'abandon, jusqu'à dire ces paroles. Si on déposait sous le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je laisserai jamais ma mission. Admirable, tu es certes doué d'un bon caractère, ton Seigneur t'a honoré. Il a parlé de toi dans le Coran, de la meilleure des façons et t'a vanté. Si tu pouvais être parmi nous, j'embrasserais tes pieds. Tu le mérites à cause de leur souffrance et tout ce qu'ils ont enduré. Jour et nuit, tu as pleuré, prosterné. Ta femme t'a demandé, pourquoi fais-tu tout cela au messager? Alors que Allah t'a pardonné tes péchés futurs et passés. N'ai-je pas le droit d'être reconnaissant à celui qui m'a créé? Et sans cesse tu pensais à ta communauté, car tu étais envoyé pour une miséricorde pour l'humanité. À Taïf, on t'a jeté des pierres, on t'a lapidé. Des enfants t'ont pourchassé, sans pitié, alors que le sang coulait. Déçu, tu l'étais par leur agissement, affligé. Dans ton visage, on le lisait, t'as dû patienter. J'admire ton courage et ta bonté, tu pensais à la guider. Je te voulais le bien pour les gens, sans hésiter, tu partageais. Au messager d'Allah, si tu voyais ta Oumma, tu serais en pleurs. Si tu voyais la misère qui subisse tout ce malheur. Les musulmans sont divisés, chacun pense à soi. Les cœurs sont désunis, le croyant déteste son frère de foi. Le pire c'est que ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui se moquent de toi. La plupart ont délaissé ton message, inventé des nouvelles lois. J'ouvre le journal, je vois, encore une fois on se moque de toi. Mon cœur se brise, des larmes tranchantes qui sortent de moi. En Birmanie, des gens de ta communauté se font tuer. Pareil en Centrafrique, des villages entiers exterminés. En Palestine, les enfants d'Israël expulsent ta communauté. Oh messager, tu dois être affligé, si seulement tu savais. Quand je pense que tu as tout sacrifié pour ta communauté, alors qu'au jugement tu vas intercéder, toi quand même pitié, tu vas demander pardon à tout ce qu'on a fait. Mais où tu trouves cette force et cette humilité de penser toujours à ta communauté? Quand j'écris cette lettre, j'ai failli pleurer. Au fond de mon être, j'ai dû attester qu'il n'y a de Dieu que Allah et que tu es son messager, son humble serviteur, la meilleure créature que la terre a pu porter. Que la paix et la bénédiction soient sur toi, mon bien-aimé.